مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واهتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. كنا توقفنا عند الجوازات، أخذنا شيئا من الجوازات. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الجوازمة نعم 18 rectification par rapport à cela, ils sont au nombre de 17. أما ألم وألم تم سين ريبيتيشن، سي لا ميم شوز كو لام ولما. وذكرنا أن الجوازم تنقسم إلى قسمين، تتعبد دي أقسام للجوازم. ذكرنا أن الجوازم قسمين كي سون دو دو كاتيجوري تم لام برينسيپ سولي كي ريبونس إلى بلاما و سينون جو دان لا ريبونس ديريكتومون. On avait évoqué que الجوازم il se divise en deux catégories. نعم، ذكرنا أن قسم يجزم الفعل المضارع أو فعلا واحدا من الأفعال المضارعة. أن قسم كبهم مجزوم أنس الفعل المضارع، وقسم يجزم فعلين، يعني قسم كبهم مجزوم دو فعل مضارع. كيف سون لي نعم لآدات وبتل أحروف التي تنصب أو تجزم فعلا واحدا؟ ما هي الأحرف التي تجزم فعلا واحدة؟ quels sont les أحرف qui l'évoquent المؤلف qui vont rendre مجزوم un seul فعل مضارع؟ شو كلا ريبونس يلف لما. نعم تفضل. نعم، لم ولما ولم الأمر إيه نمطيا ولا الناهية. نعم ولا الناهية. تمام، لم ولما ولم الأمر ولا الناهية. أما لم الدعاء سأعود خاصي كذلك أيضا لم الأمر. سوف كل الفرق بين لام الدعاء ولام الأمر سك لام الأمر سيتوليزي للمخلوق فيما بينهما. تام مخلوق كدانا نغض عن الثام وليتق الله فلان وليتق الله فلان. لسك سي المخلوق كدام الله عز وجل ونبل سا لام الدعاء ونبل سا لام الأمر. تام من تأدب مع الله سبحانه وتعالى. تام كذلك النهي. تام يلا النهي ولا الدعاء. تم لا الناهية ولا الدعاء. donc ces quatre fois là ils vont rendre majuzum un seul fi'l yani mudari. نعم، on avait évoqué dans نعم les deux premiers لم ولم que les deux c'était des حرف قلب وجزم ونفي. حرف قلب parce qu'ils vont rendre le fi'l mudari بمعنى الماضي، وقلب plutôt قلب c'est ça، ونس وجزم parce qu'ils vont rendre majuzum le fi'l mudari، et nafil parce qu'ils apportent le sens de la négation. Laquelle on avait évoqué qu'il y avait des différences entre naham lam ou alam. Qui se rappelle les différences qu'il y avait entre les deux? Ce qui est la réponse, yarfa yada. نعم تفضل. نعم لما ça implique qu'on n'avait jamais fait avant. نعم. Auparavant dans le mardi il a jamais fait ces choses là. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de ramener avec مثلا لما اذهب لما اذهب الى الى الكويت مثلا لما اذهب الى الكويت ثم ذهبت. Tu peux pas dire cela. لما اذهب الى الكويت ثم ذهبت, ça c'est une contradiction. تمام. اما لم par rapport à لما, لم tu peux ramener un mardi après. تمام. Ça n'implique pas que cette personne-là, elle n'a jamais fait dans le mardi. Lam adhab ila al-Kuwait, thumma adhabtu. Tu peux dire cela. Kazalika, la deuxième différence qu'il y a entre les deux, on avait cité deux différences. Ça, c'est la première. Qui se rappelle de la deuxième? On avait évoqué que لما تتوقع حصول الفعل بعد. Lorsque tu dis, مثلاً, لما adhab ila al-Kuwait, يعني, ça laisse entendre que tu vas y aller. Tu n'es pas encore parti, لكن tu vas y aller. À ma chère, tu dis, لما adhab ila al-Kuwait, ça laisse pas entendre qu'un jour tu vas y aller. Hein. Ça apporte le sens que tu n'es pas parti. Hein. Tu n'es pas parti dans le passé. Lakin, avec l'amma, on ressent qu'il va y aller. L'amma dhabtu. Aïe, c'est adhab. C'est adhab. Ça, c'est la différence qu'il y avait entre les deux. Non. Ensuite, on avait évoqué que walbaqiya min al-adawat alati dhakara al-muallif rahimahullah ta'ala من إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأن وحيثما وكيفما وإذ وإذا plutôt في الشعر. Tout le reste, ce sont des جوازم التي تجزم الفعلين مضارعين. Ils vont rendre مجزوم deux faire مضارع. On s'est arrêté sur cela. On avait évoqué la معنى de certains des حروف. لكن إن شاء الله on va procéder au début du cours parce qu'il manque le temps, il est court. Le temps est court. On s'est arrêté, on avait dit qu'on allait évoquer, Inch'Allah, l'i'arab de ces adawat al-shart. De ces adawat al-shart, on avait évoqué que ces adawat al-shart abahan majuzum de fi'al. Le premier, on va l'appeler quoi? Fi'al, shart. Et le deuxième, on va l'appeler jawab al-shart, ou jaza. Jawab al-shart, ou jaza. Mais pour qu'il rendre majuzum, c'est surtout jawab al-shart, il faut qu'il y ait des conditions pour cela. Il faut qu'il y ait des conditions pour cela. La condition pour que il rende majzum al-fi'l mudari' fi al-jawab al-shart, il faut que cette jumla là qui vient après, ce soit une jumla qui est fi'liya. Donc ça exclut la jumla qui est quoi? Ismiya. Il faut qu'elle soit khabariya. Qu'est-ce qu'on entend par khabariya? C'est-à-dire qu'elle n'est pas talabiya. Tam talabiya, comme on a pu évoquer, ça englobe yani les sept choses qui sont al-istifham, al-nahi, al-'ard, التحضيد. On avait évoqué yani toutes ces choses là, الرجاء التمني. Donc il ne faut pas que le fi'l qui vient après, le fi'l jawab al-shart, il ne faut pas que ça soit quoi? Un fi'l qui soit talabi. Il faut qu'il soit khabari, qui apporte une information et non qui a le sens du talab. Inch'Allah, on va réviser les ma'ani al-talab dans barakallahu fikum al-nawasib. On avait évoqué al-istifham, al-amr, al-nahi, al-rajاء, al-tamani, العرض والتحديد. نعم صافي سات. تمام. Donc il faut pas que ça soit une de ces choses là. Si jamais c'est le cas, on va voir qu'est-ce qui va se passer derrière. تمام. متصرفا. Il faut qu'il soit متصرف. C'est-à-dire que ce soit un verbe qui a quoi? Un dérivé. تمام. Un verbe qui a dérivé et qui se conjugue. تمام. Qui a un dérivé et qui se conjugue dans tous les états. تمام. Qui se conjugue dans tous les états. Comme c'est le cas avec plutôt bien dit un verbe qui est jamid, مثلا ليس. L'Aïssa n'a pas de dérivé. Et se conjugue pas dans tous les temps. L'Aïssa se conjugue que dans Al-Mardi. L'Aïssa se conjugue pas dans l'Amr et Kazalakadi dans Mudara. Et il n'a pas de dérivé. C'est-à-dire, il n'a pas de masdar. Lorsqu'on parle de dérivé, yani, l'Ism Mushtaq, c'est qu'il a un masdar. Et là, c'est pas le cas. Il n'a pas de masdar. Kazalaka Asa. Asa, il n'a pas de masdar. Il n'a pas de masdar. Et Kazalaka, yani, il se conjugue pas dans tous les états. Il se conjugue pas au Mudara, Kazalaka se conjugue pas au Amr. Donc les verbes qu'on appelle jamid, on va le voir, si jamais ils viennent comme jawab al-shart, il y aura une chose qui va venir, c'est-à-dire qu'on va mettre le jawab al-shart maqrun bil-fa. On va y revenir, inshallah. Donc la première condition, il faut que ce soit un fi'al. Une jumla qui est quoi? Fi'aliyah. Cette jumla fi'aliyah, il faut qu'elle soit quoi? Khabariya. Ay, laysat talabiyah. Troisième condition, il faut qu'il soit le verbe mutasharrif, qu'il a un masdar et qu'il se conjugue dans tous les temps verbaux. Et il ne faut pas qu'il soit quoi? Maqrun, c'est-à-dire lié, attelé, aqad, ولا لن ولا ما النافية ولا سين وصوفة. Si jamais on trouve un fi'al qui est جملة كفعلية qui est خبرية le فعل المتصرف لكن on trouve dedans قد ou bien on trouve لن ou bien on trouve ما النافية ou bien on trouve سين أو صوفا et ben le فعل qui va venir derrière tam il pourra pas être majuzum tam il pourra pas être majuzum il sera pas majuzum yani c'est-à-dire dans بالظاهر لكن sera majuzum inshallah comme on va le voir dans al mahal yani في المحل. Donc on répète les conditions tam jawab al shart afin qu'il soit majuzum il faut que le fi'l qui plutôt que la jumla qui vient derrière ce soit une jumla qui soit quoi fi'liya donc elle est pas ismiya c'est-à-dire mubtada wa khabar. Il faut que le fi'l il soit quoi khabariya la talabiya istifham amr nahi ila akhirih. Il faut qu'il soit mutasarrif, c'est-à-dire que il a un masdar le fi'l et qu'il soit conjugué à tous les états. Ghayr maqrun bi qad wala lan wala ma annafiya wala sin wa sawfa. Si jamais ces conditions là sont requises, le fi'l jawab al-shart il sera majzum tamam bi al-harakat al-zahira. Amma si jamais c'est pas le cas, à partir du moment qu'il n'a pas rempli la condition, il sera obligé d'être maqrun bil fa'l. Enfin, on va évoquer inchallah des exemples par rapport à cela. Mathalan, si je dis in ja'a, on a pu voir que in, on va utiliser juste in, tamam. C'est juste que vous comprenez avec les conditions. Tamam. Si jamais je dis in ja'a Muhammadun falhamdulillah. Tamam. Hona, ce qui vient après le jawab al-shar, c'est quoi? Alhamdulillah. Tamam. In ja'a Muhammadun falhamdulillah. Tamam. Là, alhamdulillah, c'est jawab al-shar. Pourquoi il n'est pas majuzum bil-zahir? Tamam. Parce que c'est une quoi? Une jumla qui est quoi? Ismiya. Falhamdulillah. Et alhamdulillah, c'est une jumla qui est quoi? Qui est ismiya. Donc là, y a pas la condition n'a pas été requise, qui est quoi? Qu'il faut qu'il soit une jumla fi'aliya. Tamam. In ja'a Muhammadun fa'akhbirhu anni uhibbuhu. In ja'a Muhammadun fa'akhbirhu anni uhibbuhu. Si Muhammad vient, informe-le que je l'aime. Tamam. Fillah. Fa'akhbirhu anni uhibbuhu fillah. Tamam. Fa'al'an akhbirhu. Il n'est pas majuzum bi al-in. Tamam. Parce que là, c'est un fi'al amr. Tamam. C'est un fi'al amr, il est mabni. Comme on a pu le voir. Tamam. Le fi'al amr. الصحيح c'est que quoi il est mabni. Donc là ce fi'l là si on fait l'i'rab on va dire fa harf mu'atf tam akhbirhu يعني فعل امر مبني على السكون وفاعله تقديره انت مستتر وجوبا tam et cette jumla là on dira fi mahal jazm jawab shart. Et pourquoi il est fi mahal et qu'il n'est pas majzum zahiran? Parce que même si jamais c'est une jumla qui est fi'liya, là qui sont fi'l, c'est un fi'l qui est quoi? Qui est pas khabari. C'est un fi'l qui est quoi? Qui est talabi. Dans lequel on a pu voir que c'est un amr. Et l'amr fait partie des jumla qui est quoi? Talabiya. C'est pour ça qu'on a ramené le fa. In ja'a Muhammadun fa akhbirhu. T'es obligé de rentrer le fa. Tu peux pas dire in ja'a Muhammadun akhbirhu. Ça c'est une khata. C'est une khata de dire ça. Tu peux pas. À partir du moment qu'il n'a pas rempli la condition, il sera obligé d'être maqrun bil fa. In ja'a Muhammadun fa akhbirhu. Naam. Tu ramènes le fa. In ja'a Muhammadun akhbirhu. Naam. C'est impossible. Tam. Mutasarrifan. In ja'a mubtadi'un falaysa lahu makanun fi hadhihi al-jalsa. In ja'a mubtadi'un falaysa lahu makanun fi hadhihi al-jalsa. Si un mubtadi' vient, il n'a pas de place. Tam, on ne lui fait pas de place, il n'aura pas de place dans cette assise-là. Tam, in ja'a mubtadi'un falaysa lahu. Tam, falaysa lahu. On a dit quoi? Makanun fi hadhihi al-jalsa. Donc là, kadhalika, on est obligé de rentrer fa dans le jawab al-shart. Limada? Parce que même si jamais le fi'l, c'est un fi'l, c'est une jumla fi'liya. Plutôt, jawab al-shart, c'est une jumla fi'liya. Lakin, c'est une jumla qui est fi'liya et qui est quoi? Elle est khabariya kadhalika. Lakin, le fi'l, il n'est pas mutasarrif. Laysa, c'est pas un fi'l qui est mutasarrif, c'est un fi'l qui est quoi? Jamid. Dans lequel il n'y a pas de khabar, il n'y a pas de masdar, et qu'on ne peut pas conjuguer dans tous les états. On ne peut pas le conjuguer au mudari' et ni kadhalika au amr. Donc là, kadhalika, le jawab al-shart, il sera obligé dès qu'on lui mette le fa. Pourquoi? Parce que son jawab, il a commencé par un fi'l qui est khabari, une jumla qui est khabariya, fi'liya, khabariya, lakin qui est jamida, qui n'est pas mutasarrifa. L'autre condition qui est dans laquelle c'est pas, on sera obligé de ramener le fin avec matalan qad. Inja'a Muhammadun, on va rester dans le cas, ça va. Il n'est pas venu Muhammad. Inja'a Muhammad. Inja'a al-mu'adhinu, faqad hana waqtu salah. Inja'a al-mu'adhinu, faqad hana waqtu salah. Si le mu'adhin vient, c'est-à-dire, certes, le temps de la prière est venu. Inja'a, malgré que on ne se base pas sur la venue du mu'adhin, lakin bi awqat as-salawat qui sont ma'roufat. Inja'a al-mu'adhinu, faqad hana waqtu salah. Si le mu'adhin vient, l'heure de la prière a sonné. Là, kazalika, jawab shart, on est obligé de le rentrer le fa. Pourquoi? Parce que la jumla qui suit derrière, elle commence par qad. Inja'a al-mu'adhinu, faqad. On a trouvé qad, on est obligé de rentrer quoi? Le fa. On ne peut pas dire inja'a al-mu'adhinu, qad hana waqtu salah. Ça, c'est une khata. Pourquoi? Parce que la jawab shart, il a qad dedans, et si jamais il a qad dans sa jumla, c'est-à-dire dès le début, et ben on est obligé de rentrer le fa. La même chose, kazalika, avec l'en. إن جلست عند مبتدع فلن تفلح أبدا إن جلست عند مبتدع فلن تفلح أبدا كذلك هنا الجواب شرط كي لن تفلح أبدا on est obligé de lui rentrer le fat dedans. Pourquoi? Parce que c'est, même si c'est une jumla qui est fi'liya, qui est khabariya, لن تفلح أبدا qui est khabariya, qui est متصرفة, il n'y a pas قد dedans, لكن il y a لن. Elle commence par l'en, donc obligé qu'on lui rentre le fa. Inja'a, injasta inda mubtadi'in, falan tufliha abada. On ne peut pas dire lan tufliha abada huna. Inja'a, injasta inda mubtadi'in, lan tufliha abada, c'est une khata. Parce qu'il y a l'en qui est rentré dans la jumla qui est quoi? Dans la jumla qui est le jawab shart. Il reste quoi? Ma an nafiya. Kazalika, elle est la même chose. Inch'Allah, papa. En espérant que ça a été compris, je donne des exemples. Lakin, si jamais on continue comme ça, ça va prendre un peu de temps. Donc là, à partir du moment qu'on va trouver ces choses-là, avec ma en nafia, comme le reste, kazalika dans la jumla, si on me dit au shart, il commence par ma en nafia, ou bien sin, ou bien saufa, le fi'l, le jawab au shart, on sera obligé de lui ramener quoi? De lui ramener le fa dedans. Et ensuite, l'i'rab, on le fait à la hasab al-jumla, et à la fin de l'i'rab, on va prendre un i'rab. إن جاء مبتدع إن جلست عند مبتدع فلن تفلح أبدا تنفى حرف عطف حرف عطف لن حرف نصب ونفي واستقبال تفلح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره وفاعله تقدير ضمير مستتر تقديره أنت وجوب أنت ensuite on dira والجملة لن تفلح أبدا في محل جزم جواب شرط. Pourquoi في محل? Parce qu'il n'a pas rempli la condition. Il n'a pas rempli la condition. Et si jamais la condition elle est remplie, comme on a pu voir à travers les nombreux exemples que j'avais cités la dernière fois, et bien il sera mansoub, il sera majuzum. مثلا لينفق ذو ساعة من ساعتي لا بس لله ما تفعل من خير أفعل ما تفعل من خير أفعل ما تفعل مجزوم من خير أفعل أي أفعله ما تفعل من خير أفعله لكذلك لا يعني كي أنفش كم رمت لفا دهن دوك لا يسحق ويسحق مجزوم بالظاهر ما تفعل on va dire عندما هنا سي حرف نعم سي اسم شرط وتفعل فعل شرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون وفاعله ما تفعل فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ما تفعل من خير ومن حرف جر وخير اسم مجرور ما تفعل من خير أفعل جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا تقديره أنا لا لعرب الإقوال بالظاهر pourquoi parce qu'il a rempli toutes les conditions يعني أفعل ما تفعل من خير أفعله il a rempli toutes les conditions c'est une jumla qui est fi'liya أفعل qui est khabariya c'est-à-dire qu'elle n'a pas le sens du talab qui est متصرفه أفعل il a مصدر فعل il se conjugue dans tous les états فعل يفعل إفعل n'y a pas Qad qui est rentré dedans, il n'y a pas Lam qui est rentré dedans, il n'y a pas Ma en Nafia qui est rentré dedans, il n'y a pas Sin qui est rentré dedans, il n'y a ni Saufa qui est rentré dedans. Et quand on dit Ma en Nafia, on parle bien de Ma en Nafia. Ama La en Nafia, parce qu'il y a un La qui est Nafia, si jamais elle rentre dedans, dans le Jawab al-Sharf, il n'y a pas de problème Kadarika. Il sera Majuzum. Il sera Majuzum. مثلا ما تفعل من شر لا افعل تمام لا افعله ما تفعل من شر لا افعله لا كذلك هنا يسخى مجزوم بالظاهر et le la qui est هنا c'est pas la nahia c'est nafia tam il dit ce que tu feras dans char je le ferai pas tam je le ferai pas c'est pas un ordre qui s'est mis lakin il a informé tam d'une jumla qui est négative que il ne fera pas cette chose là tam donc là quand on parle de ma en nafia Ce n'est pas toutes sortes de nafia, c'est juste le ma. Amma la nafia, et bien lui, il n'y a pas de problème. Maintenant, si j'aurais dit, ma taf'al min sharrin, fama af'aluhu. Là, on aura dit quoi? Fama af'aluhu. Fama af'aluhu. Là, on sera obligé de ramener le fa, parce que la jumla du jawab al-shart, elle a commencé par quoi? Ma nafia. Qui est une chose qui oblige que le jawab al-shart soit maqroun bil fa, si jamais on le trouve, comme c'est le cas ici. Et après, il sera marfou' en ibn-zahir. Il sera marfou' en ibn-zahir. Lakin, il sera majzoum bil-mahal. Il sera majzoum bil-mahal. Lorsque tu auras fini les arabes de la jumla, tu diras Ma af'alhu fi jawab, na'am, fi mahal jazm. Jawab al-shart. Donc, ça, c'est les conditions que le jawab al-shart, il faut qu'il remplisse afin qu'il soit majzoum bil-zahir. C'est-à-dire, comme on a pu évoquer, il faut que ce soit une jumla qui est fi'liya, qui soit mutasarrifa, qui soit khabariya, dans laquelle on ne trouve pas ni qad, wa ni sin. وَنِصَوْفَ وَلَا لَنْ وَلَا مَا أَنَّفِيَ Si jamais c'est le cas, on trouve ces choses-là. Si jamais on trouve, ces conditions-là sont pas requises, on sera obligé de ramener le fa dans le jawab du sharf. Dans le fa dans le jawab du sharf. Et qu'à ذلك, lorsqu'on dit que يَنْسِبْ ou plutôt يَجَزِمْ فِعْلَيْنْ on parle de deux fi'ls qui sont quoi مُضَارِعْ أَمَّا si jamais, comme c'est le cas avec in. Généralement, in. Le sens qui vient après, c'est quoi? C'est un verbe, plutôt, c'est un fi'l yani madhi. Tam in ji'ta in ja'a fulan akrimhu. In ja'a fulanu akrimhu. Tam in ja'a fulan huna ja'a c'est un fi'l qui est quoi? C'est un fi'l qui est madhi. Tam. Donc il ne peut pas être majzoum bil-zahir. Comme on a pu le voir, les af'al qui sont madhi, ils sont mabni. Et la chose qui est mabni ni le nasb, ni le jazm, ni le raf, tam, il rentre dedans, par rapport à afhal. Tam, amal jar, on a pu voir, ça rentre dedans. Tam, donc là, on s'affiche de ça, que le fi'al shart, comme le jawab shart, ça peut être quoi? Deux fi'al madhi. Comme ça peut être deux fi'al mudari. Si jamais c'est le cas, ils seront madzoum à partir du moment qu'ils remplissent les conditions. Ou ça peut être un fi'al madhi avec un fi'al mudari. Ou bien l'inverse, et ça c'est qalil jiddan, un fi'al mudari avec un fi'al qui est madhi. Donc ça c'est بالنسبه ل فعل الشرط وجواب الشرط تمام الان ان شاء الله on va procéder à l'i'rab de ces adawat tam on a bien dit qu'il fallait dire de ces choses-là qui sont les choses qu'il a évoquées tam de in jusqu'à la fin rahimahullah on appelle ça adawat pourquoi on n'appelle pas ça harf ou bien ism parce que certains de ces choses qu'il a évoquées ash-shaykh al-mu'allif rahimahullah ta'ala ce sont des ahruf Et certains d'entre eux, ce sont des quoi? Ce sont des asma. Donc on ne peut pas dire que tous ce sont des asma et que tous ce sont des ahruf. Donc on dit quoi? Adawat, outils. Outils de condition. Outils de condition. Adawat al-shart. Donc là, on va procéder à l'i'rab des adawat al-shart. Parce qu'ils n'ont pas tous le même i'rab. Awalan, il faut savoir que, comme on a pu voir, adawat al-shart, ala adarab mukhtalifa. Tam sont de plusieurs catégories. Parmi eux, ce sont des ahrouf et parmi eux, ce sont des asma. Tous les adawat qui sont mabniya, excepté une qui est quoi? Ayyun. Ayyun, il est marfou', plutôt il est mu'arab. Tam, il est mu'arab. Donc ça veut dire que si jamais ils sont mabniya, les arabes qu'on va faire de ces adawat, c'est fil mahal. Tam. Une chose qui est mabni, on ne peut pas dire qu'il est mansoub directement, ou bien qu'on lui dise qu'il est mu'arab. Tam. On ne dit pas qu'il est mu'arab, il est mabni. Tam. Donc si jamais il est mabni, Si jamais il a un mahal dans les arabes, on va l'évoquer de la manière mabni fi mahal kada wa kada. Donc là, c'est le cas de tous les ahruf. Plutôt de tous les adawat, parce qu'elles sont tous mabniya, excepté quoi? Ay. Ayyun, si jamais il est marfou, sera marfou. Si jamais il est mansoub, sera mansoub. Si jamais il est majrour, il sera majrour. Ala hasab al-hasab muqi'uhu fi al-i'rab, yani selon son emplacement dans l'i'rab. À savoir que ayna wa anna wa ayyan wa mata wa idh tam, qui sont tous mabni, ceux-là dans l'i'rab ils seront fi mahal nasb, tam, ils seront fi mahal nasb dharfu zaman tam dhuruf, comme ils disent complément circonstanciel. Certains sont de temps, certains sont de quoi, de lieu. Tam ayna c'est de lieu, anna كذلك c'est le temps, wa ayyan كذلك le temps, wa mata c'est le temps, tam wa idh كذلك c'est le temps. Donc ceux-là ils seront quoi, ils seront mabni lorsque tu vas faire l'i'rab. Tam مثلا si jamais je dis mata mata ta'ti ati, tam mata ta'ti ati. Donc là mata هنا si jamais tu fais l'i'rab tu vas dire qu'il est quoi, il est mabni tamam fi mahal nasb ظرف زمان في محل نصب ظرف زمان. كذلك si jamais مثلا اين يعني اين تذهب, اين تذهب اذهب, كذلك اين جاكو يسرى مبني في محل نصب, تمام في محل نصب ظرف مكان, تمام على حسب. دونك سي شوز لا لا اين وان واي نعم وايان ومتى واذ, تمام يسرى مبني في محل نصب ظرف, certains مكان et certains زمان, تمام. ça c'est pour ces cinq qu'on a évoqué, اين وان وايان ومتى واذ, تمام. من وما ومهما, من وما ومهما كذلك شنو quoi, ils sont tous مبني, تمام, ils sont tous مبني. لكن الاعراب يبقى يعني على حسب, تمام, يسرى على حسب. من وما, men ou ma, on a pu voir que les deux ont à peu près le même sens, lakin il y en a un qui est l'alim et l'autre qui est quoi, l'irai l'alim. Men ou ma, si jamais le fi'al qui vient après, qui est fi'al shart, si le fi'al qui vient après, qui est le fi'al shart, il a déjà pris un maf'ul bihi, il a déjà un maf'ul bihi, et bien men ou ma, ils seront fi mahal raf mubtada. Ils seront fi mahal raf mubtada. Mathalan, ma taf'alhu talqah. Ma taf'alhu talqah. Ce que tu feras, tu vas le recevoir. Min khayrin ou min sharrin. Ma taf'alhu talqah. Tam talqahu. Huna ma. Si on demande l'i'rab, c'est quoi son mot dans l'i'rab? Là, ce sera quoi? Il sera mabni fi mahal raf. نعم في محل رفع مبتدا اي بمعنى الذي, تمام, الذي تفعله تلقاه, تمام, يسون بمعنى الذي, تمام, من وما بمعنى الذي, تمام, باسكو لا تفعله الى ديجا كوا مفعول به كي كوا لو ها المتصل به تفعله, تمام, ما تفعله اي الشيء الذي تفعله. دونك الى فعل, الى سو فعل الى كوا, الى ديجا مفعول به. دونك ما il peut pas être quoi, il ne peut pas être maf'ul bihi, il ne peut pas être fi mahal nasb maf'ul bihi parce qu'il a déjà maf'ul bihi. Si jamais le fi'al qui vient derrière, il demande à maf'ul bihi et on ne l'a pas trouvé, et bien son maf'ul bihi ce sera quoi? Ce sera le ism shart qu'il a qaddam, qui est ma ou bien qui est man. Si jamais maintenant on aurait dit ma taf'al talqa, ma taf'al talqahu, ma taf'al talqahu, sans mettre un damir muttasil à la taf'al, ma taf'al تلقاه لا ما هنا يسقط في محل نصب مفعول به, تمام, اي الذي تفعله, تمام, يجوز que le fi'l plutôt le maf'ul bihi il soit muqaddam ala al fi'l si jamais c'est un quoi, c'est un comment ça s'appelle barakallahu fikum, c'est adawat al shart, tamam, si c'est min adawat al shart il est obligé de venir devant parce que adawat al shart c'est comme asma al shart, c'est comme asma je veux dire al istifham, ils sont obligés de commencer la phrase. Donc si jamais, tamam, ils sont bima'na le maf'ul bihi, تام معروف مفعول به, نعم, يجي بعد الفاعل فعل وفاعل ومفعول به. لكن si jamais le مفعول به تام سي ان اسم شرط او بيان كو سي ان اسم استفهام il sera obligé de venir avant حتى le فعل, تام. دونك لا le dans cette jumla là il sera في محل نصب مفعول به. pourquoi? parce que le فعل الشرط الذي بعده il n'a pas de مفعول به, تام, il n'a pas de مفعول به. donc ما ومن tu regardes, si jamais le فعل الشرط il a déjà pris après lui un مفعول به, et bien ma wa man ce sera bima'na alladhi, tam, et seront fi mahal raf mubtada. Si jamais le fi'l shart alladhi ba'da man wa ma il n'a pas pris de maf'ul bihi, Eh bien, l'i'rab de ma wa man, ils seront quoi? Fi mahal nasb maf'oulun bihi, tamam? C'est simple. Et mahma kathalika, tamam? Mahma, ce sera la même chose, tamam? J'ai farra contre les deux parce que man wa ma, ils ont le même sens, tamam? Wa mahma kathalika, tamam? Mahma taqul, taqul min khayrin, aqulhu. Mahma taqul min khayrin, aqulhu. La mahma huna, il sera fi mahal nasb. Pourquoi? Parce que le fi'l al-shart alladhi ba'da, il n'a pas pris de maf'ul bihi. Il a besoin d'un maf'ul bihi et il n'est pas évoqué après lui. Donc ça peut être que quoi? Ça peut être que mahma. Si jamais, مثلا, avec un exemple où il a le fi'l al-shart alladhi ba'da, il a pris un maf'ul bihi, on va mettre un damr al-muntasil, tout simplement. Mahma taf'alhu min khayrin af'alhu. Mahma taf'alhu min khayrin af'alhu. Là, mahma, il sera fi mahal al-raf mubtada. مبتدا parce que le fi'l al-shart alladhi ba'dahu il a déjà un maf'ul bihi donc il peut pas avoir de maf'ul bihi tamam kayfama son i'rab sera quoi fi mahal nasb dharf na'am non kayfama en fait on va le laisser parce que c'est un hal tamam le hal on l'a pas encore vu tamam c'est un hal il sera fi mahal nasb hal lakin le hal yani certains peut-être ils n'ont pas encore vu tamam donc on va le laisser de côté lakin sache que kayfama si tu le trouves et que c'est min na'am من الحروف الشرط تمام اي بس صنع عرب ضمن الجمله سيصبح سيصبح في محل نصب حل تمام جوست برونو كوم سان تمام اي تمام كما نقول بالفرس ولا لي معرب تمام اي لو على حسب دو لا جمله تمام على حسب الجمله مثلا شي جدي اي يوم تذهب اذهب n'importe quel jour tu partiras n'importe quel jour que tu partiras je partirai. Donc là, Aya Yomin, là, il sera quoi? Zarf Zaman. Zarf Zaman. Parce que ça, on voit dans le tome 3, ou plutôt le 4, dans le tome 3. Lorsque tu trouves un Zarf Zaman qui est Yom, et qu'il est Mondaf, Mondaf Unilehi, la chose qui est Mondaf, ce sera lui le Zarf Zaman. Ça, ça va voir, Inch'Allah, dans le tome 3. Donc il peut être Zarf Zaman, il peut être Kadalika, Barthodafikum, il peut être Mafal Bihi. Mathalan, Aya Ikramin Tukrim, Ukrim. Aya ikramin tukrim ukrim. N'importe quel yani, ikram que tu vas faire à quelqu'un, eh ben moi je vais le faire aussi. Tam. Donc là, aya, ce sera quoi? Ce sera maf'ul bihi. Tam. Yani tukrim bi ayi ikram, si on voudrait dire cela, tam, ukrim. Donc là, il sera quoi? Fi mahal nasb maf'ulun bihi. Tam. Et qu'est-ce qui reste? Yani, si jamais le fi mahal, mathalan, raf. Ayu rajulin yajud yasud. Ayu rajulin yajud. Yasud, ayu rajulin, n'importe quelle personne qui est bon, yasud, c'est-à-dire qu'il aura un, yani il sera sayyid, il aura un grand rang auprès des gens. Sayyid, c'est quelqu'un qui a un rang d'honneur auprès de son qom. Ayu rajulin yasud, plutôt ayu rajulin yajud, yasud. Donc là, ayyahuna, il sera fi mahal, plutôt pas mahal, plutôt, dans ayy, j'ai dit mahal, c'est pas mahal, ils seront directement dans le premier exemple que j'avais dit, ayyama. أي يوم تذهب أذهب ليس خطأ إسخام منصوب تام ظرف زمن تام عن شو جابدي أي إكرام تكرم أكرم ليس خطأ منصوب مفعول به أي رجل يجود يسود ليس خطأ إسخام مرفوع تام إلي مرفوع son état dans la jumla c'est un mubtada tam si on fait أي tu diras أي اسم شرط مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره ورجل وهو مضاف ورجل مضاف إليه ويجود في الشرط مجزوم بأي ويسود جواب الشرط مجزوم بأي يسو محل دون الإعراب سي كوا سي برخلو فيكم سي المبتدا تمام سي المبتدا دونك سا سي الإعراب بارابور أو أدوات الشرط تمام سارتان دونتخو يسون توس مبني إكسبت أي دونك سي يسون توس مبني الإعراب يسخا دون كوا دون المحل L'Arab, pour certains, ils seront dans le mahal. D'autres, ils n'ont pas d'Arab. Comme in, tam, il n'a pas d'Arab. Tam, in n'a pas d'Arab. Certains d'entre eux, ils auront quoi? Des Arabes. Ce sont quoi? Les asma. Tam, les asma, minha. Et, na'am, donc si jamais les mabni, c'est fi mahal. Tam, certains sont fi mahal nasb, d'autres sont fi mahal raf il akhirihi. Tam. Et, ay, il sera mu'arab, c'est-à-dire soit marfoua, ou bien soit mansoub. Tam. Inch'Allah, on va se contenter de cela. La prochaine fois, Inch'Allah, on rentrera dans Marfu'at al-Asma. En espérant, Inch'Allah, que le cours il a été compris. En espérant qu'il a été compris. S'il y a des questions par rapport au cours, Inch'Allah, faites-moi en part. Il reste 5 minutes avant que je parte. Si jamais c'est le cas, Inch'Allah, on s'occupe sur cela en espérant qu'elle a été compris. On asse Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'un kazalik. Et avant de se quitter, Inch'Allah, vu que la semaine prochaine, en France, il y en a les heures avant changer. Et nous, on se base par rapport aux heures de France lorsqu'on on évoque les horaires des doros et des conférences. Donc, ça va être une heure en moins. Et là, j'ai regardé sur à peu près le calendrier. Je ne sais pas si jamais après ça correspond aux horaires qui sont chez vous. Donc, ça veut dire, Inch'Allah, le cours, on le fera à quelle heure? À 2h. Le jeudi prochain, le cours, Inch'Allah, il sera à 2h. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, Inch'Allah? À 2h de l'après-midi. Donc, Inch'Allah, on fera part de changement d'horaire par rapport à cela pour le jeudi prochain. Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, ça sera à 2h. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'ils sont sur www.dammaj.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.